Il est mortel. Oui. Macaron flouroyant. Pas mal. Tarte aux venades vipères. Classique. Clafoutis au curare. Bon. Oh, le pudding à l'arsenic. Oh oui. Mal. très bon. Yeah.